Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Bibliothèque. Liberté numérique. Société de l'information. Un dimanche sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Random. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Ni filtrage, ni censure, nous voulons le net, notre libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, veut le faire. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 30e, pour cette 30e édition de Random sur Radio Campus Lille. Au sommaire de ce numéro, on va reparler de l'affaire Mougel et faire juste une petite ligne ou deux dessus. On va parler de nos amis les Entech, on va beaucoup en parler, du FIC qui n'aura pas lieu finalement. Et donc des autres événements organisés par nos amis. Dans l'actualité du logiciel libre, on va se concentrer sur ce qui apparaît comme un FUD autour de la backdoor de la pile IPsec d'OpenBSD. Ça sera un peu détaillé. Et on va parler, donc toujours dans les actualités du logiciel libre, de la sortie d'OpenWall 3.0. Dans l'actualité du milieu hacker, on va parler essentiellement de Ars Electronica 2011, donc un festival qui a lieu... C'est en Autriche, il me semble, AT. Point AT, c'est en Autriche. Dans notre marronnier législatif, on reviendra sur l'OPSI et sur toutes les dispositions qui ont été votées depuis le passage au Sénat, qui ont été donc votées par l'Assemblée nationale. Et on fera donc quelques discussions sur nos amis les, donc sur... sur l'Opus DI, en fait, qui noyaute donc des entreprises qui commercialisent des filtres et des solutions de contrôle parental. Et tant qu'on est sur la neutralité du net et le filtrage, on verra les petites modifications, les petits changements qui sont en train de se faire aux États-Unis, donc justement sur les textes. Ah non, on le verra pas parce que je l'ai pas bossé. On pensait avoir tout dit sur Adopi 3, mais sur Adopi. Voilà, Adopi 1, Adopi version 1, et voilà. Je me vends. Oui, on pensait avoir tout dit sur Adopi, mais bientôt une Adopi 3. Donc on en parlera aussi dans Notre Culture, c'est la vôtre, en même temps que Acta et la pub Google. Et on va, dans la partie N'ayez pas peur, faites-nous confiance, parler énormément de Wikileaks et de toutes les actualités qui ont lieu autour de cette affaire. Alors je tiens à m'excuser, normalement on devait avoir un dossier sur, pour continuer un petit peu sur Wikileaks, on devait avoir un dossier sur Julian Assange, tout le contenu du dossier était quasiment prêt en fait, mais j'ai juste pas eu le temps de le bosser, c'est bientôt Noël, donc j'ai vraiment pas eu le temps de le bosser, donc je m'excuse, il sera traité l'année prochaine, je pense qu'on le traitera en janvier, quand on aura un peu de temps à bosser là-dessus, et puis il y aura un agenda. Oui, des petites pauses musicales. Et des petites pauses musicales qui vont bien. On va peut-être un peu fêter Noël aussi. En chiptunes. Allez. Allez. On commence. C'est parti. On commence par quoi? Par le début. Donc, on va juste signaler donc, à propos de l'affaire Mougel. On avait eu l'impression que ça allait être instrumentalisé, l'affaire Mougel. Alors l'affaire Mougel, c'est quoi? C'est une joggeuse marquoise qui a été assassinée. Donc ça a finalement été déjà récupéré en conseil de quartier. Et là, on a la création d'un comité Mougel. Qui veut encore... durcir les lois sécuritaires tout en sachant que ça va pas changer grand chose sachant qu'en fait, au niveau de l'instrumentalisation de cette regrettable affaire, hein, on le dit, on n'est pas là pour faire l'apologie d'un quelconque crime ou quoi que ce soit. Nous, ce qui nous embête vraiment, c'est le côté récupération politique d'un fait divers, à savoir qu'il y avait quand même deux ministres qui avaient assisté à... Enfin, le gouvernement avait été jusqu'à dépêcher deux ministres en exercice de leurs fonctions aux funérailles de Natacha Mougel. Pour dire un petit peu le niveau quand même où est-ce qu'on en est à Marc-en-Barœul, pour faire passer la vidéosurveillance et tout ça, la sécurité dans les transports en commun et la surveillance tout court de tout le monde à Marc. Bon. Le FIC 2011 Le FIC 2011, donc le FIC, le Forum international sur la cybercriminalité. Qui avait lieu donc chaque année vers la fin du printemps. Qui est le rendez-vous de toutes les polices et militaires qui se gargarisent qui se gargarisent, on peut clairement dire Donc en employant des mots comme cyberguerre, comme des vidéoprotection, voilà. Fichage ADN. Et du coup, il y a l'Union européenne qui a pas financé cette année l'événement. On se demande pourquoi. Et donc, résultat, on n'aura pas la joie de vous faire des petites news croustillantes comme on l'avait fait l'année dernière sur le FIC 2010. Il n'y aura pas de conférence de Damien Bancal non plus au Forum international sur la cybercriminalité. Sur son protocole de... Ouais, sur son protocole de divulgation de failles. Voilà. Mais bon... Il n'y a plus de salon, mais il y a quand même du temps libre. Donc voici nos amis les gendarmes qui font une série de conférences dont l'une des conférences a fait la une du Nord Éclair de vendredi. C'est donc Nord Éclair daté du vendredi 17 décembre 2010. Alors la une, avec la photo pleine page et tout, et le gros titre jeunes et internet, attention danger, point d'exclamation. Et une petite légende en dessous de la photo d'une jeune fille qui est en train de rigoler devant son ordinateur. Laisser son enfant face à l'ordinateur sans consigne préalable est dangereux. C'est ce que démontrent les cybergendarmes de la région dans un module à usage des parents. Exemples et conseils, page 2 et 3. Donc on a la 1, plus la page 2 et la page 3. Donc mineurs devant internet, quel danger. Donc un dossier complet en page 2 et 3 de Nord Éclair. Alors c'est un peu, moi ça m'a fait un peu bizarre de voir que Nord Éclair a quand même pas mal relayé l'information autour de Wikileaks, tout ça, en restant à peu près neutre. Mais par exemple sur l'édition web, ils avaient carrément... repris notre communiqué, enfin le communiqué du groupe de Génération Lille, le communiqué de presse en entier sur l'édition web, ce qui fait quand même figure d'une certaine prise de position par rapport à l'affaire Wikileaks. Et quelques jours plus tard, la semaine suivante en fait, on voit ce dossier-là justement sur la cybercriminalité machin. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? On en avait déjà parlé en fait dans Random l'an passé, à peu près à la même période, il me semble. Ce qui est intéressant, c'est que ça tombe aussi... pile vers la fin de la loi du vote de la loi Lopsi avec la censure gouvernementale d'internet. Il y aura peut-être une commission mixte paritaire, donc c'est pas sûr que ça soit terminé maintenant, mais le vote solennel de toute façon il aura lieu la semaine prochaine, tu m'as dit en début de semaine. Oui, mais ce sera le vote solennel de la version de la version de l'Assemblée nationale. Ah oui, après, d'accord, que le Sénat accepte. Ok, donc bon, ça consiste en quoi? En fait, c'est les gendarmes N-Tech, donc nouvelles technologies, ce qu'on appelle les brigades cybercriminalité, hein, pour dire un petit peu ce qui se passe. Elles ont donc deux missions, ces brigades. Premièrement, c'est de la gendarmerie, c'est-à-dire c'est des organes de police d'État qui sont en lien, enfin qui sont souvent dans les campagnes. La répartition géographique fait que la police nationale agit surtout dans les villes, dans les zones urbaines, et la gendarmerie dans les zones, on va pas forcément dire rurales, mais dans les zones moins densément peuplées. Du coup, la gendarmerie a une mission de proximité que n'a pas forcément la police nationale, qui est déjà plus dans un axe répressif. Et du coup, les missions sont pas du tout les mêmes. Gendarmerie et police, ça correspond pas du tout au même métier, ça correspond pas au même grade, ni aux mêmes prérogatives. Donc du coup, Michel Yomari avait fait de ce truc-là, les brigades cybercriminalité disséminées un peu partout sur le territoire, un de ses fleurons. avec une double mission, qui était une mission d'information proche du peuple, etc. Et deuxièmement, une mission répressive sur un certain nombre de volets liés à la cybercriminalité, la fraude aux cartes bancaires, ce genre de trucs. Du coup, dans cette mission d'être proche du peuple et tout ça, une mission d'information, ça inclut une mission communication dans la presse, et notamment dans la presse locale, avec un discours qui est celui des brigades cybercriminalité, à savoir que Internet, c'est un grand repère de terroristes machin qu'il faut filtrer, avec des prises de position assez radicales sur le filtrage il y a déjà un an, deux ans, qu'on avait relevé dans Random déjà, et puis tout un discours sécuritaire qui va avec, et notamment l'organisation, et ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée sur le fond. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des grades et des responsabilités des gendarmes. Est-ce que les gendarmes techniciens voient sur le filtrage plutôt quelque chose qui va compliquer leur tâche? Oui, ça, voilà, il faut bien comprendre plus qu'il n'y a pas de vrai discours uniforme de la gendarmerie nationale. Disons que, étant des militaires et ayant un devoir de réserve, les militaires ne peuvent pas forcément s'exprimer, ou alors en ayant eu l'aval de leur... De leur hiérarchie là-dessus. Mais c'est étonnant comme qu'il n'y a pas quand même un vrai document qui dise « voilà, c'est comme ça qu'il faut communiquer, c'est ça qu'il faut dire ». Et voilà. Donc, si, il y a un officier presse et c'est lui qui est en charge de communiquer là-dessus. Il y a un bureau ou qui communique. Mais c'est tout le temps les mêmes qu'on voit dans la presse, qui sont en fait les hommes de terrain. C'est ceux qui sont chargés de communiquer surtout, je pense. Oui, ça correspond en fait à l'effectif de la brigade. D'accord. C'est pour ça que c'est bizarre. Donc là, en fait, on avait dit qu'il y a un an qu'ils avaient démarré en fait un module de formation à destination des parents, c'est-à-dire qu'ils vont dans les collèges, les lycées. Et puis en fait, ils font une réunion à destination des parents pour leur expliquer les dangers d'Internet. Donc il y a trois articles en fait dans ce dossier sur deux pages dans le Nord Éclair de vendredi. Le premier s'appelle Mineurs devant Internet, quel danger, point d'interrogation. Deuxième article, quel comportement adopter avec son enfant, les 10 conseils des cybergendarmes. Et troisième article, dans le Nord, 70 établissements scolaires seraient déjà intéressés. Donc en fait, on voit qu'ils ont fait un petit peu du chemin. Il y a déjà 70 établissements scolaires qui sont potentiellement intéressés pour faire venir les gendarmes intervenir dans le cadre de modules de formation à destination des parents. Là où ça devient intéressant, en fait, c'est sur les points qu'ils soulèvent. Par exemple, premier point, les vidéos violentes au milieu des dessins animés. Alors voilà, c'est tu vas sur Facebook et puis tu tombes sur des trucs genre Dora le pédophile ou Tuons Dora, ce qui peut être choquant pour des gamins. Ou Dora la junkie, ou ce genre de trucs. Les blogs glauques chez les adolescents. Ouais, parce que tu comprends, Internet, c'est un truc où les adolescents et les adolescentes peuvent s'exprimer. Et il y a des adolescents qui sont branchés métal, ou qui sont branchés Marilyn Manson, ou qui sont branchés satanisme ou autre. Et donc, tu comprends, faut pas que notre jeunesse, elle tombe là-dessus, parce que sinon, ça va pas. Donc ça, c'est bon. On voit que c'est vraiment n'importe quoi. Dans le genre des trucs, t'as les adhésions à des groupes Facebook sur Internet. Donc, par exemple, vérifier que c'est pas des trucs un peu crades ou un peu chelous. Notamment des groupes de métal qui mangent des fœtus. Ouais, ça c'est... Enfin, voilà, c'est vraiment le genre d'amalgame et de clichés qu'on retrouve vraiment dans le discours sécuritaire. L'autre de l'amalgame... C'est ce genre d'amalgame aussi que moi j'avais retrouvé en formation sur justement les bidouilleurs et les pirates. En gros, tous ceux qui utilisent du logiciel libre, c'est des méchants pirates. Tous ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur matériel, tous ceux qui sont hackers, c'est des pirates. Et, alors que parallèlement à ça, sur le discours des libristes, parallèlement à ça, la gendarmerie nationale est passée à Linux. Ouais. Et a fait grand bruit dans la presse à propos de sa migration vers du logiciel libre, machin, indépendance technologique de la France, tout ça. Donc voilà. Il y a un autre truc qui est rigolo, c'est sur Chatroulette. Alors je cite, les propos du gendarme rapportés par Nord Éclair. Le problème avec ce Chatroulette, qui est hébergé en Russie, c'est que 8 fois sur 10, on se retrouve face à des pervers nus qui demandent à aller au contact d'enfants. Je voudrais bien savoir d'où il sort sa stat. Je vais pas défendre Chatroulette. Statistiquement, c'est pas forcément très vrai. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des exhibitionnistes sur Chatroulette et qu'on en retrouve. C'est connu. C'est connu de toi, mais les parents qui n'ont pas forcément, qui ont peut-être démissionné vis-à-vis de ces technologies et qui sont complètement largués, ou c'est l'enfant qui a, entre 10 et 15 ans, qui explique à sa mère comment c'est Internet, je veux dire, c'est peut-être intéressant aussi à elle de oui, lui d'accord. dire mais attention. Justement, c'est là l'un des seuls points positifs du truc. Voilà. C'est un discours que Stinux avait tenu il y a quelques années à parentalité à l'ère du numérique, oui. qui était c'était un truc organisé par la municipalité de Lille pour expliquer ce qui existait pour protéger les enfants. Et qui était co-organisé par Microsoft. Oui, et donc ça a été assez mal vécu par des personnes de Stinux, dont moi à l'époque. Mais ce qu'on expliquait par rapport aux gros éditeurs, c'est que non, un filtre parental, des protections parentales sur les logiciels et les consoles, les ordi, ça ne changerait pas grand-chose. Il y a un moment où il y aurait une faille dans le filtrage et il y a l'enfant qui serait confronté au contenu. Donc ce qui était important, c'était l'accompagnement par l'adulte, par les parents. Ouais. Et ce qui est intéressant donc, dans le discours des gendarmes, c'est que justement face à des parents démissionnaires, ils remplacent un peu le discours des parents. Ils font, ils expliquent un peu certains dangers. Mais le problème, c'est que c'est fait de façon un peu caricaturale, que c'est fait par des forces de l'ordre. Donc ça n'aura pas le même impact sur les jeunes que... Non mais là c'est pour les parents. C'est pour les parents et je pense que les forces de l'ordre sur les parents ça a un impact. Ah oui, d'accord. Sur les jeunes, je suis d'accord avec ça. Ça on le dit pas que ça a un impact. On ne nie pas que le fait de parler justement des solutions de contrôle parental ou des prédateurs sexuels qui agissent sur les forums, il y a aucun problème que ça soit un discours qui doit être posé. Le problème en fait c'est encore une fois la formation et est-ce que c'est la mission de la gendarmerie que d'informer les parents. Il n'y a pas des conseils de parents, il n'y a pas des conseils de quartier, il n'y a pas des associations de parents d'élèves pour ça. Il n'y a pas... Et le gros souci aussi, c'est que ça reste un peu caricatural quand même. Oui, ça ok, ouais. Ça aurait été bien d'avoir un discours beaucoup plus travaillé, ouvert. Beaucoup plus documenté. Ça reste dans des préjugés sur certains domaines, notamment les groupes de métal, satanistes et mangeurs de fœtus. Oui, c'est sûr, ça part dans les extrêmes pour... Mais le problème, c'est que c'est le même genre de... En gros, on retrouve le même genre de mécanisme qu'on retrouve pour justifier certains projets de loi, pour justifier certaines politiques. Donc ça part d'un discours sécuritaire. C'est un peu glissant. C'est sûr. Ça part d'un discours sécuritaire. Surtout, comme tu disais, ça tombe bien en ce moment. Et ça tombe très très bien en ce moment. Et en plus, on va en reparler du cas du contrôle parental et de qui gère ces solutions de contrôle parental avec Optenet et l'Opus Dei tout à l'heure. Voilà. Je propose une petite pause musicale. Ouais. Ça fait déjà presque un quart d'heure qu'on parle. Donc vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM, c'est Random. Restez avec nous. Random. L'émission qui parasite. We'll be right back. Et voilà, donc vous êtes sur Radio Campus en 6.6 FM, c'est Random. Vous venez d'écouter Ultracid, A Tribe to Nothing, et c'est sur Atari ST, il faut le dire. Ouais, ça a été fait sur Atari ST. Voilà, en parlant de chiptune, hein, tant qu'on est dans la chiptune, la semaine, dans deux semaines, ce sera une émission spéciale un peu chiptune pour cause de vacances de Noël. Bah pour cause de 2 janvier surtout. De 2 janvier. Et de neige, il y a plein de neige. Ouais. Donc chiptune. Et en parlant de neige, en fait, justement, on va donc enchaîner sur l'actu du logiciel libre et on va faire une actu spéciale Papingouin. On va revenir un petit peu sur l'affaire de la backdoor dans la pièce IPsec d'OpenBSD qui a pas mal fait rigoler beaucoup de monde en ce moment, alors que moi ça me fait vraiment franchement pas rire du tout, bordel. Pourtant tu devrais en rire. Oui, mais non, en fait, presque ce que j'ai lu dans toute la merde que j'ai lu dans la presse me fait chier, et y a pas que moi. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est que OpenBSD? C'est un projet de système libre. C'est un système d'exploitation libre, donc basé sur BSD, donc pas Linux, un concurrent Linux orienté sécurité informatique avec un record de 2 failles de sécurité critiques depuis la création du projet en 95. Peut-être 3. Quoi, peut-être 3, t'es fou toi. T'es fou toi. IPsec, c'est quoi? IP, c'est Internet Protocol, donc c'est la norme en fait qui régit les discussions entre deux ordinateurs connectés à Internet. C'est bien. C'est un protocole de communication. L'une des normes. Comment? C'est sauf que c'est The Internet Protocol. Voilà. IP, yeah. Et IPsec, en fait, c'est parce que IP a pas mal de problèmes de sécurité, notamment le fait qu'il ne chiffre pas, donc il n'y a pas de cryptographie sur la communication au niveau IP. Donc IPsec résout une partie de ce problème-là en chiffrant, et il y a d'autres options. IPsec est donc vu comme une version sécurisée d'IP. Backdoor, porte dérobée, c'est un système qui permet d'avoir une facilité de déchiffrement dans un protocole de sécurité. C'est-à-dire qu'une backdoor dans la... C'était pas plutôt un truc qui permettait, qui aurait permis l'escalade de privilèges. Ce serait surtout en fait sur le fait que on place en fait dans un système de sécurité, on place une porte dérobée qui va permettre de faire tomber cette sécurité-là de manière automatique. En sachant où appuyer. Ouais, globalement c'est ça. Globalement c'est un peu l'idée. Après, savoir si c'est un truc qui permet de déchiffrer le trafic IPsec ou si c'est un truc qui permet d'obtenir des systèmes, enfin des privilèges plus grands dans le système, c'est un peu, on n'en sait rien en fait. Donc en fait, on avait parlé dans Random il y a 2 semaines du fait que Théo Desrottes avait publiquement soutenu WikiLeaks. Ça c'était donc il y a 2 semaines. Et donc quelques jours après ça, le 11 décembre, Théo Desrottes, donc qui est le fondateur historique et coordinateur du projet OpenBSD depuis 95-96, le 11 décembre dernier, Théo Desrottes, qui était en vacances à la Barbade avec son épouse, pour la petite info, il reçoit un mail provenant d'un ancien développeur d'OpenBSD. Après, il en discute rapidement avec 2 autres membres de l'équipe de développement d'OpenBSD, mais il s'en occupe vraiment que quand il rentre de vacances, parce qu'il était en vacances avec sa femme, tout ça, il avait pas envie de gérer une crise depuis la Barbade. Donc, une fois qu'il rentre et puis qu'il en a discuté un petit peu avec les d'autres membres de l'équipe d'OpenBSD, Théo a décidé de publier l'email en question sur la liste de diffusion tech, donc qui est en fait une liste de diffusion dédiée aux discussions réellement techniques sur le développement d'OpenBSD. Alors le mail en question est signé Gregory Perry, qui prétend avoir été directeur technique chez NetSec, une entreprise qui employait à l'époque plusieurs développeurs d'OpenBSD. Des développeurs qui travaillaient en fait sur la pile IPsec précisément. Perry prétend avoir été sous contrat avec le FBI dans le cadre de son activité chez NetSec, avec un accord de non-divulgation sur 10 ans qui aurait récemment expiré, d'où le fait qu'il ait pris la parole et contacté Théo Desrottes. Donc il prétend qu'au moins un autre employé de NetSec, Jason Wright, qui est nommément cité, travaillait en parallèle pour le FBI avec pour mission d'implémenter une porte dérobée dans la pile IPsec d'OpenBSD. Il recommande de passer au crible les contributions de ce développeur. Donc genre il fout la honte à un mec et en expliquant à tous les autres qu'il faut vérifier toutes ses contributions. Il prétend également que d'autres personnes liées au FBI sont au courant de cette porte dérobée dans OpenBSD, notamment Scott Lowe, qui est nommément cité également. Alors au niveau réaction, Gregory Perry, déjà, pour bien calquer les faits, en fait, hein, voir un petit peu ce qu'il en est exactement de cette histoire. Gregory Perry, il se présente comme actuel patron de Go Virtual. C'est une entreprise qui n'existe plus. Comme ça, voilà. Ça permet de bien situer un petit peu le personnage. Ensuite, Jason Wright et Scott Logue, donc les deux anciens développeurs, enfin, Jason Wright, ancien développeur d'OpenBSD, et Scott Logue, personne qui n'a rien à voir, mais qui est accusé d'avoir des liens avec le FBI et de bosser dans le milieu de l'informatique open source. En fait, ils ont tous deux formellement démenti avoir eu un quelconque lien avec le FBI. Il y a des posts sur, en réponse à la discussion sur la liste de diffusion tech d'OpenBSD, et puis également des articles de blog et des articles de presse qui prouvent, en fait, enfin qui se sont fait écho de ces deux démentis. Alors là, on est quand même presque une semaine après. À ce jour, aucune véritable preuve technique et incontestable n'a été apportée pour étayer la théorie d'une porte dérobée dans le code d'OpenBSD. Permettez que j'insiste, il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit de cette histoire. C'est juste un type qui raconte des conneries et qui prétend avoir la vérité, alors qu'en fait il ment déjà sur l'entreprise dont il se présente patron, qui n'existe plus. Alors, bien entendu, bah, toute cette histoire a été reprise dans la presse au niveau international. Voilà, ça a entretenu le doute sans vergogne, en fait, dans tous les articles, avec un ton très sensationnaliste, comme on retrouve à chaque fois qu'il y a un bug ou qu'il y a un truc, qu'il y a un virus ou je ne sais quoi. Et pas seulement que Zataz, parce que bon, Zataz est spécialiste de ce genre de trucs, mais pour une fois, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que Damien Bancal qui a raconté des conneries là-dessus. On a également bah, Slashdot, bon... C'est une rumeur, alors ça passe sur Slashdot, c'est normal. C'est normal, non, mais voilà. Mais également des trucs comme PC Impact, qui sont quand même censés être un poil plus sérieux que Zataz, quand même, et qui balancent des infos assez intéressantes sur Adopi, Lopsy, etc. Donc on voit un peu le traitement médiatique de cette histoire. Et ça, c'est... Enfin, voilà, c'est un gros FUD. Donc FUD, c'est Fear Uncertainly and Doubt. C'est-à-dire, on lance une rumeur comme ça pour casser la crédibilité d'un acteur, ou d'une entreprise, ou d'une personne, ou d'une association. Et donc on casse la crédibilité, sans preuve, sans rien du tout. Tout ça juste pour voir un peu... C'est comme la bourse, quoi. Tiens, oui, voilà, c'est ça, c'est comme la bourse, tiens, on lance une rumeur à la con, et ben derrière, en fait, c'est très compliqué d'apporter des preuves. Derrière, en fait, on voit que, par exemple, Jason Dixon, qui est développeur d'OpenBSD, a indiqué son avis dans deux intéressants billets sur son weblog, donc pour déconstruire les rumeurs sur la pile IPsec d'OpenBSD, et puis une petite mise à jour sur... alors, c'est un gossip, c'est-à-dire vraiment un potin, quoi. C'est vraiment au niveau du potin, quoi, relayé par la presse internationale, genre Zataz ou autre. Enfin, bon. Est-ce qu'il y a quand même des gens qui ont essayé de vérifier un petit peu, voir techniquement si le code est checké un peu. Le code, en fait, de toute façon, d'OpenBSD est de base audité. Ouais. On continue. Et la pile IPsec a été rééauditée, est en cours d'audit à nouveau pour D'accord. vérifier qu'il n'y a pas une connerie. Donc s'il y a bien un petit truc, ça va se retrouver. S'il y a bien un petit truc, ça va se retrouver. De toute façon, Théo a balancé l'histoire en public. C'est-à-dire que le but du jeu, c'était justement d'être clair et transparent dans l'affaire. D'accord. Voilà. Bon, là-dessus, je vais conclure là-dessus. Donc la pile IPsec d'OpenBSD, a priori c'est des conneries et il n'y a aucune preuve, et de toute façon le mec qui a publié ça, Gregory Perry, il est pas clair, et voilà. Ensuite, autre petit truc rapidement, la sortie d'OpenWall 3.0. OpenWall, c'est quoi? C'est une distribution logicielle basée sur le noyau Linux et les outils GNU. Mais alors bon, parce que une distribution Linux avec les outils GNU dedans, tout de suite on a peur. Enfin, moi, j'ai peur. Là, celle-là, elle est revue et corrigée pour en augmenter la sécurité. Et en fait, qui donc relie et corrige pour augmenter la sécurité de ces trucs... bon, je vais pas discuter de la sécurité de Linux, mais... et bien, donc, c'est un projet qui a été fondé et coordonné par Alexander Pesliak, qui est plus connu, en fait, dans le milieu underground, sous le pseudonyme de Solar Designer. Donc Solar Designer, bon ben c'est le développeur et initiateur historique de John the Ripper, le célèbre logiciel de cassage de mots de passe. C'est l'inventeur de la technique du Return into Libc, donc une amélioration de l'exploitation de failles de type buffer overflow quand la pile n'est pas exécutable. C'est également l'auteur de la première exploitation générique de heap overflow, donc un buffer overflow sur le tas. Première exploitation générique de Heap Overflow. Et puis il a également été Pony Award 2009 pour l'ensemble de sa carrière de hacker, donc c'est pas n'importe qui. Donc là, sortie d'OpenWall 3.0, et puis bon, cette publication marque l'anniversaire des 10 ans du projet. Voilà, je pense que c'est intéressant. C'est une distrib sécurisée, très proche en fait de l'esprit BSD, avec un arbre des ports, avec un make world, etc. Donc c'est est basé sur RPM. Donc un mix un peu bizarre entre du Linuxien vraiment pur et puis du BSD pur et dur. Le tout par un expert international en matière de sécurité informatique, un mec qui n'a vraiment plus rien à prouver à personne. Voilà, ce serait tout pour l'actualité du logiciel libre. Donc tu peux le dire, hein, pour conclure, Linux c'est bien. Nous Linux c'est bien, c'est ça ? J'ai rien dit. Ah. Non, j'ai dit qu'il y a des mecs qui font en sorte que nous, Linux c'est bien. C'est pas pareil. Des mecs et des nanas, parce qu'il n'y a pas que des mecs. Mais bon. Actualité du milieu hacker, du coup ? Ah bah ouais. Actualité. Dans l'actualité du milieu hacker, on va faire court rapidement. C'est juste pour annoncer qu'il y a un festival plutôt orienté culture numérique, contre culture numérique et art numérique, qui s'appelle Ars Electronica 2011, qui se monte donc, alors le site web c'est monochrome.at, donc je suppose que c'est en anglais, j'ai pas trop regardé. J'ai plutôt flashé sur le nom en fait, donc là c'est l'appel à contribution pour ce festival qui a été publié la semaine dernière. L'intitulé du truc c'est quand même Screw the System, Sex, Technology, Class and Culture. J'ai trouvé que c'était intéressant de remarquer que, ben, il y a eu le Plastic Hackerspace Festival qui a fait la part belle. Donc le Plastic Hackerspace Festival dont on a pas mal parlé dans Random, c'était au mois de novembre ou au mois d'octobre, avec un côté sur les tout un penchant sur les sex toys DIY réaliser vos fantasmes par la technologie, etc. Corrige-moi si je me trompe. Ça allait au-delà des simples contenus sexuels. Ça parlait aussi donc de réappropriation des différents genres par des personnes de genre opposé. Ça allait quand même un peu au-delà de ça. Donc de réappropriation un petit peu de sa vie et de sa sexualité, le tout avec un background techno-hacker. Et aussi de son genre. Et aussi de son genre. Moi je trouve intéressant de constater que dans d'autres pays, les mêmes convergences entre les questions liées au numérique et à la société de l'information d'un côté, et puis de l'autre côté les questions liées au genre et à la sexualité, y a une vraie convergence là-dessus, et pas simplement qu'à Paris, enfin Vitry-sur-Seine. Il y a aussi partout dans le monde, en tout cas dans d'autres pays européens, des convergences comme ça qui se font, et c'est pas plus mal en fait. Dans les autres actualités, on peut-être parler de l'agenda du hack qui a été lancé il y a pas longtemps. Oui, justement, en fait, je voulais pas en parler parce que je sais pas qui l'a lancé. J'ai vu ça tout à l'heure sur la liste de diffusion du local host, il me semble. Ouais, c'était sur ouais. Ça. Ouais, je crois, ouais, tout à fait. Donc c'est un peu sur le modèle de l'agenda du libre, un agenda sur lequel on retrouve tous les événements, certainement national au départ, comme l'agenda du libre, mais on va certainement retrouver à force, comme dans l'autre agenda, des événements d'ampleur internationale. De toute façon, on verra. Je pense que ça vient d'arriver, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, c'est ça ? Ouais, j'ai pas trop regardé qui l'a fait, donc je voulais pas trop en parler, en fait. Ça marche. Je vous propose quand même une petite pause musicale. Ouais, et puis on se retrouve tout de suite après. Donc vous êtes sur Radio Campus, 106.6 FM, c'est Random, et GNU Linux, c'est bien. J'ai pas dit ça. Random. Profitez-en, bientôt ce sera brouillé. Too high hypocrisy. with no farewell. Internet. Et neutralité des réseaux. Neutralité des réseaux. Voilà, vous, donc vous venez d'écouter. Alors attention, ça là le tue. Parigo, tête de veau. C'est Zernexki qui fait ça. Vous retrouvez ça sur Bedroom Research. Un petit site sympa où il y a plein de choses à lui faire un tour. C'est un label, hein, Bedroom Research. Ouais, ouais. Donc, censure, internet. Et neutralité des réseaux. Avec. Talalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Ça a donc été la plupart des amendements qui devaient être votés ont été votés. Sans grande surprise, beaucoup d'amendements de l'opposition ont sauté. On a donc la loi qui est prête à être votée en séance plénière donc la semaine prochaine, normalement mardi 21. On a quelques modifications sur l'article 9, des simplifications autour du FNAEG, de croisement de fichiers. Alors c'était déjà l'objet de la loi, mais ça serait encore un peu... Alors le FNAEG, fichier national... Des empreintes génétiques. Donc là. Donc le fichage ADN est encore renforcé et avec possibilité de croisement avec d'autres fichiers dans un cadre où un énorme pourcentage, je crois que Jean-Marc Malac avançait des chiffres en pourcentage. Pour le système de traitement des infractions constatées, il y a à peu près 50 à 60% d'erreurs en fait dans les fiches. Dans les fiches, donc des fichiers erronés, des fichiers pas déclarés en CNIL, donc complètement illégaux, bref, voilà. Ça, c'est sympa de voir que des fichiers comme ça, donc le fichier génétique français continue à être durci et croisé. Ouais. Pour la vidéosurveillance, il y a une augmentation des lieux qui peuvent être surveillés, notamment en cas de suspicion de trafic de stupéfiants ou de trafic illicite ou de risque de vol. Là, c'était réservé aux lieux où il risquait d'avoir des agressions. Donc c'est un peu augmenté. Ouais, ça concerne pas Radio Campus ? Du trafic de drogue et tout ça, bon. Mais il n'y a pas d'agression. Il y a donc un amendement spécial anti-Greenpeace, donc l'amendement numéro 60, qui interdit de contester que notre Parlement, c'est juste une chambre d'enregistrement et que voilà. Il y avait une démonstration sur le fait que le Grenelle 1 et Grenelle 2, ça avait tellement énervé les écologistes que Greenpeace avait... fait de manifestation dans l'hémicycle et au-dessus de l'hémicycle. Donc là, maintenant, c'est peine de prison pour ce genre de choses. Et donc, il y a toute une partie de cette loi et d'autres lois qui va pouvoir être modifiée par le gouvernement par ordonnance. Donc, ça sera juste ratifié par le Parlement et le Sénat. Donc, il y a une partie, c'est sur le code de la sécurité intérieure. Pour en théorie harmoniser des choses sur les échanges de fichiers dans le système 6, donc c'est le système information Schengen. Donc c'est en gros c'est un système informatique où il y a toutes les fiches toutes les fiches qui concernent des choses au niveau européen. Pareil, le gouvernement va pouvoir décider de quelles fiches il donne ou pas au niveau européen. Donc ça sera juste ratifié. Donc les fiches des Roms, citoyens roumains, vont toutes partir. Par contre, les fichiers des délits financiers, tout ça, ils partiront pas. Il y aurait une autorisation de fouille par les professionnels de sécurité qui serait étendue, parce que là on pouvait fouiller les civils professionnels de sécurité pouvaient fouiller des personnes quand il y avait des grosses manifestations et beaucoup de risques, donc des manifestations de 1500 personnes dans les stades. Là ça serait lorsqu'il y a un regroupement pour à peu près 300 personnes, donc une boîte de nuit ça rentre dedans, et des petits concerts ça rentre dedans aussi, donc n'importe quel magasin. Oh la vache. N'importe quel magasin d'ampleur Pour l'instant c'est juste des fouilles Anal. Non, pas encore. Des fouilles visuelles, c'est-à-dire que la personne sera obligée d'ouvrir son sac et de montrer bien tout le contenu de son sac. La personne ne peut pas encore fouiller dedans. D'accord. Mais bon, si c'est comme le FNAEG, dans quelques lois... Ouais, voilà. Dans quelques exceptions plus tard, n'importe quel vigile pourra fouiller n'importe quelle personne pour n'importe quel motif, et ce, n'importe où. Alors, cette loi, en fait, c'est un sacré bordel, et les amendements qui viennent dessus compliquent encore plus l'analyse. Il y a des toilettages de la loi, soi-disant des amendements de clarification de la rédaction, mais c'est un peu bizarre. Par exemple, il y a dans un petit paragraphe, il y a deux magistrats, donc le terme deux magistrats qui disparaît. Il y a le terme objectif qui est remplacé par manifeste. Ah non, c'est un patch en fait. C'est des patchs. Alors, entre objectif et manifeste. Manifeste. Mais quand t'as pas le contexte de la phrase qui est là-dedans en fait. Donc tu sais pas à quoi ça correspond. Ouais, en fait, technique. Il y a beaucoup d'amendements qui font référence à des alinéas qui eux-mêmes ont bougé, ont été supprimés, etc. D'accord. Ça nécessiterait d'avoir une version consolidée qui est pas forcément disponible, que j'ai pas trouvé. Voilà. Dans les. Là, on va sortir totalement de la ligne éditoriale de Random, qui est sur la contre-culture, hacker, tout ce qui est liberté numérique, etc. Mais je pense que c'est suffisamment grave pour en parler. Il y a d'un côté, on va interdire tout ce qui est le fait de pouvoir vivre dans des yourtes, dans des tentes, dans des cabanes, dans des habitats précaires. Des cabanes en bois au fond du jardin. Alors que souvent, les personnes qui vivent dedans, c'est déjà qu'elles se sont fait expulser, c'est déjà qu'elles ont du mal à se loger. Et là, on va pouvoir expulser, il me semble que c'est même en hiver, on pourra expulser les personnes de ces locaux-là. Dans le même temps, il y a les policiers qui vont bénéficier d'un accès privilégié aux habitats à loyer modéré, aux HLM, parce que en fait, c'est pour qu'ils puissent bien intégrer le territoire dans lequel ils exercent. Et, donc c'est normal qu'ils aient en priorité droit à un logement HLM. Ce qui veut dire qu'en fait, quelqu'un qui est dans la galère, qui a besoin d'un HLM, bah, de toute façon, le flic qui bosse, qui va lui taper dessus ou qui va le virer de chez lui, lui, il va avoir un accès plus facile au HLM. C'est sympa. Et donc voilà, bon après, on a au niveau national, on a des échanges de fichiers qui sont simplifiés, notamment pour tout ce qui est fraude pour les recherches d'emploi. Donc au pôle emploi. Mais là, ça va encore plus loin parce que d'un côté, les personnes du pôle emploi vont devenir des véritables flics avec des missions de flics. Et vu que ça va devenir quasiment des policiers, il y aura aussi le délit d'outrage et le délit de rébellion qui s'appliqueront aux fonctionnaires du Pôle emploi. C'est-à-dire que on pourra porter plainte pour rébellion contre un fonctionnaire du Pôle emploi ou pour outrage. Donc c'est laissé... délits d'outrage et les délits de rébellion, en fait... C'est un peu l'arme atomique, en théorie ça doit être une arme atomique, mais maintenant c'est un peu utilisé pour tout et n'importe quoi, et ça reste assez vague. Et notamment dans des cas où, je pense notamment à l'émission Homo Sapiens, donc est devenue Tata Bigoudi. Qui passe à 20... Qui passe donc à 21h. À 21h. Dans une heure. Il y a eu plusieurs fois, on a parlé du pôle emploi et de la situation des personnes trans, où on refuse aux personnes trans de prendre en compte leurs demandes dans leur genre et où on leur réassigne leur sexe de naissance. Il y a eu plusieurs remous et plusieurs choses qui ont avancé à certains moments. Avec cette nouvelle loi... C'est une régression claire et nette. C'est une régression dans ce domaine-là, mais pas que dans ce domaine-là. Et alors, bon, quand même, pour parler un petit peu du gros morceau qui nous intéresse, de la Lopsy, dont on parle depuis un an dans Random. Bah, donc le filtrage de l'internet est adopté. Bon, ça, c'est... Les deux assemblées étaient d'accord sur le fait qu'il fallait filtrer l'internet. Il y a juste qu'on s'attendait à avoir l'autorité judiciaire qui revienne. Mais finalement, en fait. Le juge, c'est du détail, ça sert pas à grand-chose. Non, la justice, de toute façon, c'est un détail, ça sert à rien. Donc, du coup, l'article 4, donc l'article sur la censure gouvernementale de l'Internet français, est passé quasi tel quel, c'est ça ? Oui, ainsi que l'article sur les mouchards, mais pour l'instant, qui ne s'applique qu'aux terroristes et aux crimes en bande organisée. Ah, mais la censure gouvernementale d'Internet, basée sur une liste noire non publique et pas contrôlée par un juge, c'est juste par un office de police directement... Dépendant de... C'est l'OCTL, CLIC, l'Office Central de Lutte contre les crimes et les délits liés au cybercriminalité. Ouais, cybercriminalité, donc voilà, et qui en fait est un truc qui dépend uniquement du ministère de... Non, c'est pas l'intérieur, c'est du Premier ministre. Non, ça dépend du ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, donc eux ils vont décider d'une liste noire qui sera pas publique et qui, a priori, ne concerne que... Les sites pédophiles en théorie. Alors pédophiles non, mais enfin que la pédopornographie sur Internet. Après, c'était le cas de l'Australie, on a retrouvé des sites d'opposition, on a retrouvé un fabricant de pièces détachées pour camions hollandais dans cette liste. On a retrouvé des pages de Wikipédia, on a retrouvé des choses comme ça, donc ça c'est pour les autres pays démocratiques qui ont mis en place le filtrage. Et puis on va pas oublier en fait non plus que il y a deux semaines, un certain Éric Besson, ancien ministre de l'éducation. De l'immigration et de l'identité nationale, donc avec une politique qui était une politique raciste et xénophobe sur les Roms et notamment la chasse aux Roms de cet été. Ce mec là qui est donc maintenant ministre de l'économie numérique, en plus d'être ministre de l'industrie, il avait donc notamment demandé à ce qu'on interdise, enfin à ce qu'on lui trouve une excuse pour pouvoir interdire l'hébergement de WikiLeaks en France. Donc il demande qu'on lui trouve une excuse pour interdire l'hébergement de Wikileaks en France, et deux semaines après, il y a une loi qui parle de censure d'Internet en France. Si je suis peut-être pas, je suis peut-être très parano, on peut dire les choses comme ça, mais moi j'y vois un lien. Mais c'est pour simplifier, ça ira plus vite, il aura juste un coup de fil à passer et hop c'est fait. Et ce, sans... Alors, par contre, en fait, bon, au niveau censure d'Internet, pour l'instant, il n'y a rien qui est déterminé sur les modalités techniques. Il y a du filtrage DNS qui a été évoqué à différentes reprises. Il y a également du filtrage BGP qui a été évoqué. Le problème du filtrage DNS, c'est que c'est pas vraiment un filtrage et qu'il suffit de changer de serveur DNS pour... Oui, il suffit juste d'installer, que ce soit sous Linux, Windows, OpenBSD. Il y a un très bon résolveur qui s'appelle Unbound, qui permet de... Ou même changer d'adresse de serveur DNS. Oui, si... Je veux dire, voilà, tu changes bêtement l'adresse de ton serveur DNS. Si au lieu d'utiliser le serveur DNS de ton fournisseur d'accès Internet, tu prends un truc comme OpenDNS ou j'en sais rien... Il se retrouvera peut-être filtré... D'accord. C'est-à-dire que oui, l'adresse, ouais, voilà, tu pourrais n'utiliser qu'un seul serveur DNS qui serait celui... Ou alors, il se peut que les serveurs se transforment en serveurs double horizon et que le gouvernement français oblige ses fournisseurs... notamment les DNS Google et donc OpenDNS, les deux qui seront les principaux utilisés, pourraient se retrouver dans une situation où le gouvernement français leur demande de filtrer les résultats à destination de la France. Donc la seule solution efficace, c'est de passer avec un résolveur alternatif. Donc voilà, donc en fait, et puis du côté du filtrage BGP, pour conclure là-dessus, c'est pas demain la veille non plus, parce que ça demandera un investissement énorme chez chaque fournisseur d'accès à Internet et chaque opérateur réseau qui devra mettre à jour une grande partie de son infra. Et aussi, ça pose des risques si c'est mal configuré, ça pose des risques de filtrer d'autres pays et de provoquer des soucis de réseau. Comme ça avait eu lieu au moment où Pakistan Telecom avait voulu filtrer l'accès à YouTube et avait fait n'importe quoi. Juste pour continuer sur la censure, le filtrage d'Internet et la neutralité des réseaux, il y a une commission de normalisation européenne qui travaille sur le filtrage des réseaux. À sa tête, on retrouve le PDG d'une entreprise spécialisée dans le filtrage. Je crois que c'est Optenet, il me semble, une boîte qui commercialise un logiciel de de contrôle parental, donc les bidules que les parents installent sur leur ordinateur familial pour que les enfants ils aient accès à rien d'autre qu'à Mickey et éventuellement à Dora, l'exploratrice, pas à Dora, Dora, pas la Dora de Facebook. Dora, c'est dangereux. Parce que... Ouais, attention, c'est très dangereux. Et à Bob l'éponge. Moi, j'adore Bob l'éponge. Et donc en fait, voilà. Donc Optenet, c'est cette boîte-là. On retrouve le PDG dans une commission de normalisation européenne. Et en fait, on remarque que ce PDG, il a énormément de liens avec l'Opus Dei, qui est une secte fondamentaliste catholique, très active en Espagne. Et dans tout un tas de pays très fondamentaux chrétiens, c'est, machin. C'est classé comme secte. Par le rapport de 95, il me semble. Parmi ses membres, on retrouve des gens comme Christine Boutin, par exemple, à l'époque où elle était contre le Pax, sous Jospin. Et donc le dossier avait d'abord été repéré par Bluetooth, qui en avait parlé, et puis le Canard Enchaîné a repris l'info. Donc voilà, c'est le genre d'info qui passe dans le Canard Enchaîné quand même. Rapidement, putain, on va pas pouvoir parler de Wikileaks. Ouais, très rapidement. Alors. Très rapidement, il y aura bientôt une Adopi 3, parce qu'il y a eu un déjeuner là à l'Elysée avec des gens importants de l'internet français. Alors, quand on dit internet français, on veut pas dire Alterne ni FDN, ni l'April, ni qui que ce soit. On veut juste parler du PDG de Mythique et d'autres plateformes franco-françaises comme ça. Et Sarkozy a évoqué la possibilité d'une Adopi 3, puisque la Adopi 1 avait été censurée par le Conseil constitutionnel. La Adopi 2 n'est toujours pas active presque un an et demi après après son vote à l'Assemblée nationale. Donc Adopi 3 sur la route. Et puis juste pour info, on avait parlé de la taxe Google qui venait du rapport Zelnick. J'ai toujours autant de mal à pas faire de jeu de mots sur le nom de ce monsieur-là, Zelnick. Et on me demande de me taire, parce que Zelnick quand même, le mec il s'appelle Zelnick. Et il a une maman. Et Enchaîne. Et ben donc Zelnick en fait il préconisait une taxe Google, elle est reportée de 6 mois. Donc voilà. Sur le feuilleton VH, normalement il y a un jingle, n'ayez pas peur, faites-nous confiance. Ouais, mais là. Sur le feuilleton VH, en fait, la justice française n'a pas interdit à OVH d'héberger Wikileaks. Donc Wikileaks. Elle a dit je ne me prononce pas, ouais. Je n'ai pas à me prononcer sur cette affaire. C'est ce qu'on dit, elle n'a pas interdit à OVH d'héberger. Puisque le site n'est pas manifestement illégal, qu'il non. Faudrait un débat au fond pour voir s'il est illégal ou pas. Alors justement, en fait, il y a eu une enquête comme ça sur la légalité ou pas de Wikileaks en Australie. Donc un pays chez lequel il y a le filtrage d'Internet qui existe, en fait on se rend compte que Wikileaks n'a violé aucune loi. Il y a quand même une enquête de 3 semaines avec qui avait été diligentée par un ministre directement, et Wikileaks n'a violé aucune loi en Australie, donc on voit bien que c'est compliqué de censurer Wikileaks sur des motifs vraiment de purement sur un motif vraiment légal quoi. À moins d'inventer une loi anti-Wikileaks. Sur les Anonymous, donc sur les fameuses attaques pour laquelle la presse a raconté pas mal de conneries, Richard Stallman a publié une tribune intéressante dans le Guardian, donc l'un des quotidiens qui est partenaire avec Wikileaks sur le Cablegate. RMS a publié donc une tribune pour dire les Anonymous. C'est le degré zéro de l'expression populaire, etc. Mais ça reste de l'expression populaire. Et les traités de crétins, etc., puérils, etc., c'est bien gentil. N'empêche que eux, ils se bougent. Ils font quelque chose. Alors après, est-ce que leur démarche est pertinente? Est-ce que ça a un poids politique important, etc.? Bon, c'est une question. N'empêche que eux, ils ont une action. Et que peu de gens ont une action à l'heure actuelle pour soutenir Wikileaks. C'est à peu près tout du coup. L'agenda, hein, parce que. L'agenda du coup, ah oui, il est 58. Carrément. Ça veut dire qu'on a beaucoup parlé pour raconter des conneries. Pour en revenir à Wikileaks, donc le lundi 20 décembre, donc demain, de 19h à 22h, il y aura une conférence débat Wikileaks vers un monde plus transparent, point d'interrogation, à la cantine. Donc voilà, c'est à Paris. La cantine, je sais pas où c'est à Paris, donc j'ai pas l'air. Voilà. Vers la fin du mois, donc du 27 au 30 décembre, il y aura le 27e Chaos Communication Congress. Donc le 27 C3 à Berlin, en Allemagne. Et donc le 2 janvier, on se retrouvera pour une émission de random, une émission de musique. Une émission spécialement musicale, parce que quand même, on sera le 2 janvier. Et ouais. Moi, je viens pas à la radio le 2 janvier, ou alors vous aurez pas envie d'entendre ce que j'ai à dire ce jour-là. Le 7 janvier 2011, ce sera le meeting 2600 Lille, www.2600lille.org pour toutes les infos. Le 9 janvier 2011, il y aura l'écho des Gnous numéro 6, je ne sais pas s'ils font une émission la semaine prochaine, a priori non. Samedi 5 et dimanche 6 février 2011, ce sera le FOSDEM, à Bruxelles en Belgique. Et du jeudi 7 au samedi 9 avril 2011, Akito Ergo Sum 2011 à Paris, on avait eu l'un des organisateurs au téléphone. Voilà. Je crois que c'est l'heure de se quitter. Tout à fait, c'est l'heure de Chupa Pimento. On se donne rendez-vous dans 2 semaines sur Radio Campus, dans 6.6 FM. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, bon dimanche. Au revoir.